À l'occasion de la Journée du Soleil, le Comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Vietnam 2017, les comités préparatoires de l'Asie-Pacifique, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe, de la région arabe et de l'Océanie pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Vietnam 2017, la compagnie à responsabilité limitée de l'investissement international Globe du Cambodge, le secrétaire général du Comité de coordination anti-impérialisme international, le directeur exécutif du programme pour la vulgarisation de l'enseignement sur l'environnement, le directeur général du poste de la télé Antenna 23 de l'Équateur, ont fait parvenir le 13 coron, les corbeilles de fleurs, au dirigeant suprême Kim Jong-un.